histoires, petites histoires. Tous les temps tout correct, et que sa petite boule femme là, qui fait partie nous déco. Ça mais nous pas pour connaître, c'est qui se la vie était. Qui passait pas pour raconter, ça mais pas pour deviner, tout ce qui les met de côté. Grand bourgeois, petit patron, grand patron, les temps indispensables. Qui se plie qui dit là, personne n'a pas pour connaître. C'est qui se la vie était, qui passait pas pour raconter, jamais pas pour deviner. Qui c'est qui l'y peut traverser, tu madame là, fais ce petit louvois, guette ce petit mari, grandis ce famille, compte ce petit roupi pour lui réciper ce crédit. Bonne et bonheur, souvent les pays sont pas de colère. Et pour continuer à soutenir, pour l'avenir, ses enfants.